بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Approchez-vous, barakallahu fikum. Ceux qui ont mal au dos, ils peuvent utiliser les murs, inshallah. Inch'Allah, aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va essayer de mentionner ce que l'ulama, al-mufassiroun, les savants dans le tafsir, ont expliqué au sujet de Sourate Yusuf. Wa Yusuf, alayhi salatu wa salam, من الأنبياء parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans son livre comme il a mentionné d'autres prophètes et messagers afin de les élever jusqu'à ce qu'il ait une sourate à son nom, Yusuf alayhi salatu wa salam. Or, on lit le Coran, mais est-ce que le comprend? Est-ce qu'on le comprend? بفهم السلف الأمة وبفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Est-ce qu'on comprend cette sourate ou bien le Coran que l'on lit à la compréhension des pieux prédécesseurs ou bien à la compréhension du prophète Mohammed صلى الله عليه وعلى آله وسلم comme lui-même l'a expliqué. Comme lui-même l'a transmis. Comme l'a rapporté Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, nous apprenions le Coran avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, 10 versets. Il nous expliquait les 10 versets, nous les apprenions, puis nous les appliquions. Et nous ne passions pas aux 10 autres versets tant que nous n'avons pas compris et appliqué. Adab al-talib al-ilm, c'est le comportement de l'étudiant en science avec le Coran, ma'a kitab illahi azza wa jal, avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve beaucoup des histoires des prophètes qui sont racontées en général aux enfants. Alors qu'en vérité, tout le monde a besoin de ces histoires. Tout le monde a besoin de connaître ces récits. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, où il raconte la vie des prophètes et des messagers, alayhim salat wa salam ajma'in. Wa fi hadhihi surah, Yusuf alayhi salat wa salam. Le prophète Yusuf alayhi salatu wassalam. Qala Allahu azza wa jal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif lam ra. En ce qui concerne ces lettres, comme on trouve dans sourate al-Baqara, Alif lam mim, ou dans d'autres sourates, il y a une divergence entre les savants. Certains savants mentionnent que il y a une hikmah, il y a une sagesse à ces lettres-là, mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas mentionné la sagesse. Car il ne t'est pas demandé de savoir la sagesse de toute chose. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à sa création quelle est la sagesse de telle chose. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala n'informe rien. Là où il n'informe rien, tu ne peux expliquer ou deviner. Car ceci est une révélation venant d'Allah tabaraka wa ta'ala sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres savants ont expliqué en disant c'est un défi. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne les lettres et faites un Coran comme celui-ci. C'est un défi. Allah azza wa jal défie al-mushrikin min Quraysh, les associateurs de Quraysh, puisqu'ils mentionnent que ce Coran n'est pas véridique, de faire la même chose. Un Coran aussi clair que celui-ci, aussi explicite que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقال الله عز وجل ولم تفعلوا ولن تفعلوا vous ne le ferez pas et vous ne le ferez jamais ولم ولن ولم تفعلوا vous ne le ferez pas ولن تفعلوا vous ne le ferez jamais لا يمكن ceci est impossible il est impossible de reproduire le Coran comme il a été révélé لأن القرآن كلام الله عز وجل ويقول الله جل وعلا في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله عز وجل a mentionné selon le sens des versets et rien ne lui ressemble la parole d'Allah ne ressemble en aucun cas à la parole d'un homme même les prophètes et les messagers عليهم الصلاة والسلام كلام الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله La plus véridique des paroles, c'est la parole d'Allah. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, selon le sens des versets, tels sont les versets du livre explicite. Tilka ayatul kitabil المبين تلك آيات الكتاب المبين Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. لمن الغافلين آيات الكتاب المبين Les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran en lui-même, il est une mu'jiza, c'est-à-dire un miracle. Chaque prophète est venu avec un signe clair. Moussa alayhi salatu wa salam était confronté aux sorciers. Il est venu avec des miracles. Mais les sorciers eux-mêmes ont bien vu que ce n'était pas de la sorcellerie. Ce n'est pas ce que eux faisaient. Ils l'ont reconnu. Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, bi'idhnillahi ta'ala, il guérissait les lépreux. Il a ressuscité un mort. Bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Or, à son époque, les Bani Israël comptaient de grands médecins parmi eux, incapables de guérir la lèpre, incapable de relever un mort. Or, Isa ibn Maryam, alayhi salatu wa salam, est venu avec ce miracle venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالقرآن. À l'époque du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, les gens de Quraysh étaient de grands poètes. Ils avaient l'art de la langue. Jusqu'à ce que certains poèmes sont reconnus par les savants comme pouvant être une preuve. Ad-dalil. Comme pouvant être une preuve. Pourquoi ? parce que tel poème est confirmé par le Coran ou par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bi athar salaf al-umma ou bien par certaines paroles des pieux prédécesseurs radiallahu ta'ala anhum. C'est pour ça que dans certains livres de Aqida, quelquefois on trouve des poèmes qui ont été confirmés par les savants comme étant corrects. Al-Kitab al-Mubin, un livre où les versets sont explicites, où les versets sont clairs, aussi bien dans ses sens, aussi bien dans fil-lafz, dans la lecture de ce Coran. Bien sûr, il y a des versets que tu liras qui sont clairs. Mathalan, أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. واضح. Certes, les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez pas un autre avec Allah. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a d'autres versets qui pourraient porter à confusion, mais qui en vérité ont leur explication. Et sachez que le Coran ne peut se contredire lui-même, comme certains veulent nous le faire croire. Ils te prennent un verset et un autre verset, tiens, regarde, les deux versets se contredisent. Là, Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas se contredire. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans sa parole. Il y a forcément une explication. Un musulman, il part avec cette qa'ida, avec cette règle-là. Lorsqu'il lit le verset, il lit un autre verset, il a l'impression qu'ils se contredisent, en vérité, non. Al-Qur'an yufassiru bil-Qur'an. Le Qur'an s'explique par lui-même. Un verset explique un autre verset. Wa tafsir al-Qur'an bi sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil ahadith as-sahiha. Le Qur'an s'explique aussi par les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan bi athar as-salaf al-ummah, as-sahaba radhiyallahu anhum. Wa at-tabi'un wa at-tabi'u at-tabi'in. Par les paroles des compagnons comme Abdullah ibn Abbas ou Abdullah ibn Mas'ud. وغيرهم ou bien من التابعين والتابع التابعين comme مجاهد et d'autres وحسن البصري رحمه الله تعالى et d'autres. رابعا باللغة العربية. Quatrièmement, par la langue arabe. Par la langue arabe. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Nous avons révélé ce Coran en langue arabe. اللغة العربية هي أم اللغة. La langue arabe est أم اللغة. أم. Lorsqu'on mentionne أم, ça veut dire qu'elle englobe tout. La mère des langues. Elle est la mère des langues. C'est la langue qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisie pour le meilleur des messagers. Alayhi salatu wa salam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la langue qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisie pour le Coran, pour son livre, le dernier des livres, le dernier des messages révélés par Allah tabaraka wa ta'ala sur son dernier messager, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est aussi la langue des gens du paradis. Elle est la langue des gens du paradis. C'est la langue qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisie pour cela. Cela signifie que si Allah tabaraka wa ta'ala mentionne « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan » et certes nous avons révélé un Qur'an en langue arabe, cela signifie qu'il est obligatoire pour comprendre le Coran d'apprendre la langue arabe. Tout ce qui est traduction, que ce soit en français, en anglais, toute autre langue que l'arabe, n'est pas le Coran. Ce n'est pas le Coran. C'est un essai d'interprétation, un essai de traduction. Mais jamais il ne pourra atteindre avec une autre langue que l'arabe les termes en arabe. Le vrai sens des termes qui sont utilisés dans le Coran, ainsi que dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ad-din, al-islam, min al-kitab wa sunna. Wal-kitab wa sunna, bil-lughat al-arabiyya. Ad-din wajib. Iqamatu ad-din wajib. Lughat al-arabiyya wajiba. La religion, elle est obligatoire pour toi. Or, cette religion, elle est tirée du livre d'Allah et de la sunna du prophète, qui eux sont en arabe. Appliquer cette religion pour toi, c'est obligatoire. Donc la langue arabe, elle devient obligatoire. Lorsqu'une chose est obligatoire, et que là, on n'a qu'une cause pour pouvoir y parvenir à cette chose-là, cette cause-là devient obligatoire. Wal-aks ou bil-aks, fil-haram. Ça, c'est pour ce qui est wajib. Pour ce qui est interdit, mathalan, le mariage à la base, il est mustahab. Il est recommandé. C'est une sunna, le mariage. Or, la personne qui a peur de tomber dans la fornication ou dans l'adultère, celui-ci, le mariage devient wajib. Il devient obligatoire. Pourquoi ? Parce que la seule cause qui peut faire qu'il ne tombe pas dans le haram, dans la fornication, l'adultère, c'est le mariage. Parce qu'il a peur pour lui de tomber dans ce grand péché. Alors le mariage devient obligatoire pour lui. La'allakum ta'qiloun. Peut-être allez-vous avoir la raison. C'est-à-dire peut-être que en lisant ce Coran, vous allez comprendre les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que vous allez comprendre les bases de cette religion. Peut-être que vous allez comprendre les branches de cette religion. Par quoi on doit commencer et ce qu'on doit après parfaire petit à petit. Peut-être allez-vous comprendre ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a ordonné dans son livre. Peut-être allez-vous comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit dans son livre. La'allakum ta'qiloun. Peut-être allez-vous raisonner. Wa qala Allah jalla wa ala: Nahnu naqussu 'alayka ahsan al-qasas. Et nous allons te raconter le meilleur récit. Il n'y a pas meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour raconter, pour dire ce qui s'est passé dans les temps précédents, avec les prophètes précédents, avec les peuples précédents. Car Allah tabaraka wa ta'ala est le meilleur des témoins. Allah subhanahu wa ta'ala a vu ce qui s'est passé. Il sait parfaitement ce qui s'est passé. Même si les choses se sont passées en secret, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui s'est passé. Chaque personne qui a voulu cacher quoi que ce soit, Allah tabaraka wa ta'ala l'a vu ou entendu. Chaque chose que chaque personne a voulu, chaque chose qui a été cachée par une personne au fin fond de son cœur, Allah tabaraka wa ta'ala huwa ya'lam. Il le sait. Wa li hadha qala ahsan al-qasas. Pourquoi le meilleur des récits? Parce qu'il est le plus véridique, parce qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsan. Le meilleur des récits. Non pas le meilleur des récits parmi d'autres récits, non. Dans le sens le meilleur des récits, parce que ce récit vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique dans sa parole. Elle n'a aucun manquement, aucune déficience. Ce n'est pas comme une personne, al-makhlouq, comme une créature, lorsqu'on lui demande alors ce qui s'est passé, il faut qu'il réfléchisse. Avant de se souvenir chaque détail, avant de se souvenir de la chose, et encore parfois, l'histoire est, elle a des manquements à l'intérieur. Or ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui va raconter l'histoire, qui va révéler à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de Yusuf alayhi salatu wa sallam, l'un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wa sallam. وقال الله جل وعلا وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah Azza wa Jalla a mentionné selon le sens des versets, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Il n'y a en aucun cas ici un rabaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son prophète alayhi salatu wa salam. Au contraire, Allah Azza wa Jalla l'a toujours élevé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a toujours élevé. Min al-ghafilin bil-ma'na, dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala a appris au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'était l'islam wa l'iman, ce qu'était la religion et la foi. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pu atteindre ce niveau de foi et de science et d'être accroché fortement à sa religion. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala lui a mentionné la min al-ghafilin ma kunta tadri ma al-kitab wala al-iman, car tu ne savais pas ce qu'était ni le livre le Coran ni la foi avant que l'on t'envoie, avant que l'on te révèle la révélation. Donc il n'y a en aucun cas un rabaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son prophète alayhi salatu wassalam, mais tout simplement que Allah azza wa jal fait les éloges de lui-même. Sans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam n'aurait pu connaître le Coran, car il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or il se peut que l'on trouve les récits des prophètes dans d'autres livres que le Coran, mais eux-mêmes sont tirés d'où? Du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallam. Sans compter que parfois, malheureusement, on trouve dans les récits des Bani Israïl beaucoup de choses qui sont farfelues ou qui sont fausses et qui demandent vérification. Or, fi kitab Allah azza wa jal, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah azza wa jal va révéler à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la vie de Yusuf, là dans le Coran il n'y a aucun manquement. Tu peux être sûr que ce qui va être mentionné là dans le Coran, fi hadhihi surah, dans cette surah, il n'y a aucun manquement. Le récit est mentionné avec perfection, car Allah tabaraka wa ta'ala sait ce qui s'est passé avec Yusuf. Et c'est ce que l'on va découvrir bi'idhnillahi ta'ala petit à petit. Bien sûr, on ne le fera pas en un seul cours, inshallah ce sera, il y aura une suite bi'idhnillahi ta'ala, mais surtout tirer des leçons, car le Coran n'est pas fait pour lire des histoires et on n'est pas des enfants. Les histoires, c'est pour les enfants, et encore, on leur raconte même les leçons à tirer de ces histoires et de ces récits. On est de grandes personnes. Wa nahnu muslimun, wa na'budu Allah azza wa jal, ala kitabihi, wa ala sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On adore Allah par son livre. Or, comment veux-tu adorer Allah par son livre si tu ne comprends pas ce qu'Allah azza wa jal lui-même a mentionné dans son livre? Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyé ses prophètes pour nous expliquer son livre, ainsi que, après eux, les héritiers des prophètes, les savants, qui eux, connaissent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala mieux que quiconque, et qui par leur science, nous ramènent ces récits en nous donnant al-fawa'id, les bienfaits tirés de cette lecture, ou bien les leçons à tirer de cette lecture. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne directement l'histoire de Yusuf alayhi salatu wa salam. Cette histoire de ce prophète-là, il est un exemple dans la patience. Il est un exemple dans la patience. Chaque prophète, Allah tabaraka wa ta'ala lui donna la réussite. Il n'y a pas un prophète sans que son peuple ne l'ait pas écouté, sans qu'Allah Azza wa Jal châtie ce peuple. Et il en fait une revanche à son messager et à son prophète, alayhi salatu wassalam. Yusuf, alayhi salatu wassalam, a une histoire. Celui qui comprendra cette histoire et qui prendra comme exemple ce prophète-là, bi'idhnillahi ta'ala, il aura atteint une grande patience, insha'Allah ta'ala, s'il prend Youssouf comme exemple, et qui est un exemple à prendre, car il est mentionné dans le livre d'Allah. Et quand Youssouf dit à son père, « Oh mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Alors son père lui a dit, « Oh mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi, et le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Ainsi, ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, alayhi salam. Tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim wa Ishaq. Car ton Seigneur est omniscient et sage. Youssouf, huwa ibn Yaqub. ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام a eu un fils que tout le monde connaît, Ishaq, son deuxième fils. Alors que dans le récit des chrétiens, il est soi-disant l'aîné, le premier. Il est le deuxième. Le premier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé son prophète Ibrahim alayhi salat wa salam par un sacrifice, en lui ordonnant de sacrifier son fils, en ayant cette révélation par un rêve, c'était Ismaïl alayhi salat wa salam. Le deuxième c'est Ishaq. Ishaq a eu comme enfant Yaqub, qui a eu comme enfant Youssouf. Une famille de prophètes et de messagers, alayhim salat wa salam, des nobles parmi les gens, des cœurs comme eux, il n'y en a pas. Il n'y a pas des cœurs meilleurs que les prophètes et les messagers. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, Allah tabaraka wa ta'ala a regardé dans le cœur de l'humanité, il a vu un cœur meilleur que tous les autres, celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah alayhi salat wa salam. Il n'y a pas un meilleur cœur que celui des prophètes et des messagers. Et parmi eux, Imam al-Anbiya al-Rasul ou Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Youssouf alayhi salatu wa salam a eu un rêve. Il rêve que 11 étoiles se prosternent devant lui ainsi que le soleil et la lune. Yaqub alayhi salatu wa salam, qui est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui mentionne, et ceci il le sait par la révélation que lui-même reçoit. Car Allah tabaraka wa ta'ala l'a informé. Il l'informe de quoi? Allah azza wa jal te donnera l'interprétation des rêves. Or Yaqub ne sait cela que si Allah azza wa jal l'en informe. Un prophète ne ramène rien de sa tête. Il reçoit une révélation, il est informé par Allah subhanahu wa ta'ala. Or Yaqub alayhi salatu wa salam connaît parfaitement ses enfants. Il a 12 fils, donc un qui s'appelle Youssouf. Mais le problème c'est qu'il a 11 fils qui envient et qui sont jaloux de Youssouf. Car Yaqub alayhi salatu wa salam, sachant que son fils Youssouf sera parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur est accroché fortement à son fils Youssouf. Pourquoi est-ce qu'il est accroché fortement à son fils Youssouf? Lil'ilm. Li'annahu nabiyullahi azza wa jal. Parce qu'il est un prophète d'Allah. Or, les prophètes d'Allah ont la science que les autres n'ont pas. La science est ce lien qu'une personne a avec l'autre. Le lien d'un savant avec son élève. le lien d'un prophète ou d'un messager avec sa umma, avec sa communauté. Il reçoit cette science d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il la donne aux autres. Il la transmet aux autres. L'ilm. Awwalan ma'rifatullahi azza wa jal. Cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes et les messagers ont une connaissance d'Allah que les autres n'ont pas. Comme aujourd'hui de nos jours, les savants ont une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous n'avons pas. Yusuf alayhi salatu wa salam est le fils parmi ses 12 fils dont le cœur est le plus attaché. Et ça, les 11 autres le savaient. Parce qu'il était destiné à devenir un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or Yusuf, là encore, ne sait même pas ce qu'il va lui arriver. Cette longue histoire, comment sa vie va tourner. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qu'il veut. قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَهُ. Allah Azza wa Jal décrète ce qu'il a voulu. طيب. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام يعلمك من تأويل الأحاديث. الأحاديث ici il s'agit des rêves. Il s'agit des rêves. Allah Azza wa Jal va donner une science à son prophète Yusuf qui est l'interprétation des rêves. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, les rêves font partie de 1/46 de la révélation. 1/46 de la révélation. Comme l'a mentionné Cheikh Al-Uthaymeen rahmallah, si on voit la partie qui a été révélée du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la partie qui a été révélée en rêve, parce que l'une des formes de révélation qu'a reçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en rêve. Il n'y avait pas qu'en rêve. Mais la partie qu'il a reçue en rêve, elle fait 1/46, si on calcule le temps qu'il a reçu cette révélation en rêve, elle correspond à 1/46 de tout le temps qu'il a reçu en révélation. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wal ahadith, ici, il s'agit des rêves. Et cela n'est pas donné à n'importe qui. Or, malheureusement, aujourd'hui, on trouve des gens, soi-disant, qui interprètent les rêves. Ils ne sont même pas dans la religion d'Allah. D'autres qui sont dans la religion d'Allah, mais qui ne sont ni sur le Coran, ni dans la Sunna, et qui, soi-disant, vont interpréter les rêves. Or, ici, il le reçoit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il reçoit ça d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cela ne peut être que véridique, ce qui sort de la parole de Yusuf. Et cette science-là, qu'Allah, azza wa jal, va lui donner, car c'est une science, cela va lui sauver la vie. Comme on le verra plus tard, incha'Allah ta'ala. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف ويتم نعمته عليك. Il va parfaire son bienfait sur toi. Ça c'est la relation d'un père avec son fils. Il lui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tête à tête. Cette conversation a lieu en tête à tête. C'est quoi la preuve? C'est qu'il lui dit, ne mentionne pas ce rêve à tes frères. Cela signifie qu'ils ne sont que tous les deux. Le plus innocent de ses 11 frères, c'est le dernier. Celui qui est juste avant, Yusuf. Yusuf est le 11e frère. Le plus innocent des 11 autres, c'est le dernier. Comme on le verra après, incha'Allah ou ta'ala. Cette conversation a lieu entre le père et le fils. Allah Azza wa Jal va te donner l'interprétation de l'arabe et il va parfaire sur toi son bienfait. C'est-à-dire, fi dunya wal akhirah. Aussi bien dans cette vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Comme il l'a parfait sur qui? Sur tes ancêtres. Ici, Yaqub alayhi salatu wassalam apprend à son fils de respecter ses ancêtres, son grand-père et son arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père, qui eux sont qui? Des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Yaqub alayhi salatu wassalam informe son fils, à son fils Yusuf, qui était petit à ce moment-là. Hein? L'enfant, il rêve, il va voir son père. Mon père, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé de 11 étoiles, du soleil et de la lune qui se prosternent devant moi. Yaqub, alayhi salatu wasalam, il sait ici que son fils Youssouf est appelé à faire de grandes choses, à avoir de grandes responsabilités. Et qu'il va être éprouvé. Et il lui apprend en même temps le respect de ses grands-parents, de toutes les générations d'avant, tués de la lignée des prophètes. Imagine-toi l'enfant devant son père lorsqu'on lui dit « Tu es de la lignée des prophètes. Je suis ton père Yaqub. Mon père c'est Israq, un prophète d'Allah, qui a comme père Khalilullah Azza wa Jal, le bien-aimé d'Allah. Il n'y en a que deux. Un qui est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam et l'autre qui est Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Tu descends directement de la lignée d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Khalilullah. Un imam dans le tawhid, Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Inna rabbaka alimun hakim. Alimun hakimun. Allah Azza wa Jal est savant et il a la sagesse. Allah Azza wa Jal, sa science englobe toute chose. Sa science englobe toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala touche, dans toute chose qu'il fait, il y a une sagesse. Allah Azza wa Jal a décidé, ya Youssef, de te donner l'interprétation des rêves. Il a décidé que tu serais un descendant des prophètes. Il y a là-dedans une sagesse. Et Allah tabaraka wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il fait et ce qu'il décide. Car dans toute chose qu'Allah Azza wa Jal a créée ou a décidé, il y a une sagesse. Il mentionne à Youssouf, ne raconte pas ce récit à tes frères. Ce rêve-là, ne le raconte pas à tes frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont al-hasad, la jalousie. Qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, c'est lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala donne un bienfait à quelqu'un, à ton frère fillah, toi, tu veux que cette personne-là n'ait pas ce bienfait, mais que c'est toi qui l'aies. Ce n'est pas le même cas que celui qui... Tiens, il a eu ça, j'aimerais bien l'avoir aussi. Ça, ce n'est pas de la jalousie. Ça, la abasse. Il n'y a pas de mal à ça. La jalousie, c'est quoi? C'est lorsque tu veux carrément que l'autre ne l'ait plus. Naqs fi iman bil qadar. Wa naqs fi al-aqida. Fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Il a là un manquement, celui qui est jaloux, dans sa croyance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est comme s'il revenait à dire, Ya Rab, pourquoi est-ce que toi tu lui donnes à lui et tu ne me le donnes pas à moi? Moi je le mérite, lui il ne le mérite pas, puisque tu ne veux pas qu'il l'ait. Al-hasad, c'est ça la jalousie. Or les frères de Youssouf sont jaloux de lui. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne par la bouche de Yusuf de Yaqub alayhi salatu wassalam, Inna shaytana lil insani adum mubin. Il le prévient. Une fois qu'il l'a prévenu contre ses frères, en vérité, il y a quelqu'un derrière ses frères qui les pousse à faire ce genre de choses. C'est qui? Shaytan. Chacun d'entre nous qui commet des péchés, le mal il vient de nous. Mais il y a quelqu'un derrière nous qui nous pousse à ça. Wa huwa shaytan. Wa na'udhu billahi minhu. Et on recherche refuge auprès d'Allah contre lui. Yaqub alayhi salatu wassalam mentionne à son frère, ne raconte pas ça à tes frères, car ils sont jaloux de toi. Mais il y a quelqu'un derrière eux qui est qui? Qui est le diable lui-même et qui est le pire ennemi de l'homme. Et malheureusement, lorsqu'on commet les péchés, on obéit à notre pire ennemi. Alors que si on te prenait en tête à tête, voilà, tu vois cet homme-là, tu vois celui-là, là, c'est ton pire ennemi, obéis-lui. Chacun d'entre nous dira, il en est hors de question, jamais. Mon pire ennemi, c'est moi qui vais lui obéir. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. On obéit à notre pire ennemi. Celui qui veut nous emmener en enfer éternellement. Celui qui veut notre perte. Celui qui veut que l'on soit maudit comme lui a été maudit. Celui qui veut que l'on sorte de l'obéissance d'Allah comme lui est sorti de l'obéissance d'Allah. Celui qui veut que l'on se retrouve au même niveau que lui. Fait le kufr. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et certes, il s'est enorgueilli et il fut parmi les mécréants. Wal-hasad, c'est le premier péché qui a été commis. Aussi bien fi samawati wa fi al-ard, dans les cieux comme sur la terre. Al-hasad, عند الشيطان, عند Iblis, سبب الكبر. La jalousie a été pour Iblis la cause de son orgueil. Iblis, il n'y a pas un lieu, ni sur terre, ni dans les cieux, sans qu'il se soit prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il était parmi les grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était un djinn élu. Il avait une science même que certains anges n'avaient pas. Lorsque les djinns ont commencé à mettre le désordre sur terre, à faire couler le sang, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé une armée de malaïkas, de d'anges, avec à leur tête Iblis, pour châtier ash-shayatin, les djinns. Il avait accès à des choses que d'autres n'avaient même pas accès parmi les malaïkas, parmi les anges. Et on lui a appris quoi? Qu'un homme, Adam alayhi salatu wa salam, allait devenir al-khalif, le calife sur terre. Lorsqu'il a su ça, al-hasad, il a été jaloux. Il s'est dit quoi? Moi qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un lieu, ni dans les cieux, ni sur la terre, sans que je me sois prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala durant toutes ces années, cet homme-là qui n'a même pas fait une ibadah, il a le titre de calife sur terre. Al-hasad. La jalousie. Wastakbara wa kana min al-kafirin. Cette jalousie l'a empêché de se prosterner. Il a eu l'orgueil. Il a eu l'orgueil. Et il l'a toujours. Fitel bis iblis. Kitab Talbis Iblis. Il est mentionné un récit où le diable est venu voir Moussa alayhi salat wa salam. Il lui dit: demande à Allah s'il peut me pardonner. Alors Moussa demande à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être pardonné? Allah Azza wa Jal lui dit: dis-lui qu'il se prosterne devant la tombe d'Adam. Moussa retourne voir. Il n'est qu'un intermédiaire, Moussa. Il retourne voir Iblis et lui dit: ton Seigneur t'ordonne, si tu veux te pardonner, prosterne-toi devant la tombe d'Adam. Le diable répond: je ne me suis pas prosterné de son vivant, c'est pas maintenant qu'il est mort que je vais me prosterner. Adib. Huwa shaytan. Al-kibr. Regarde cet orgueil, subhanallah. C'est toi qui demandes pour dire à la finale? Non. Et il est maudit, hatta taqum as-sa'a. Il est maudit jusqu'au dernier jour. Allah Azza wa Jalla ne lui donne pas la mort. Mais il aura sa mort, un jour ou l'autre. Et il ira en enfer et il le sait. Et il y est destiné. Parce qu'Allah Azza wa Jalla en a déjà décidé ainsi. Et il nous en a informé. Donc ici, et cela rentre dans at-tarbiyah, tarbiyatul awlad, dans l'éducation des enfants. C'est que ici, Yaqub parle à son fils Youssouf, qui est encore jeune, de la jalousie. Il lui montre c'est quoi la jalousie, et qu'elle va lui porter préjudice, si lui est là, et si les autres l'ont envers lui. Et il lui fait prendre conscience que derrière chaque mal, il y a le diable. Cela rentre dans l'éducation. Ces 11 étoiles prosterné devant Youssouf représente ses 11 frères. Al-Shams wa al-Qamar, Al-Shams, le soleil représente sa mère. Wa al-Qamar représente son père Yaqub alayhi salat wa salam. Cela représente toute sa famille prosternée devant lui. Voilà ce qu'Allah Azzawajal a révélé en rêve à son prophète Youssouf. Pour l'instant, il n'en connaît pas encore l'interprétation. C'est pour ça que Yaqub alayhi salat wa salam dit à son fils, Allah Azzawajal va t'enseigner l'interprétation des rêves. Yani tu comprendras. Ce rêve-là que tu as fait, tu le comprendras. Allah Azzawajal va t'enseigner ça. Yani ne t'inquiète pas. Ça viendra en temps voulu. Allah subhanahu wa ta'ala est sage dans ce qu'il fait. Alimun hakim. Allah a la science. Il te la donnera au sujet de l'interprétation des rêves. Wa hakim, il sait pourquoi il t'a enseigné, pourquoi il t'a donné ce genre de rêve. Pourquoi il t'a mentionné ces 11 membres, 11 frères qui se prosterneront devant toi, ainsi que ton père et ta mère qui se prosterneront devant toi. Il y a un récit qui mentionne que le contraire entre en ce qui concerne le Shams ou Al-Qamar. Comme quoi le Shams ce serait Yaqub, ou Al-Qamar ce serait la mère de Youssouf. Mais il n'est pas authentique, il est rendu da'if, hein, il est rendu faible. Ce qui est le plus explicite, c'est ce qu'a mentionné Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, fi tafsir, tafsir ibn Kathir, rahimallah, où il a bien mentionné que le soleil représente la mère de Youssouf et la lune représente le père de Youssouf. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne, selon le sens des versets, il y avait certainement Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous et que vous soyez après cela des gens de bien. Ça y est, Al-Hasad. Ici est mis à l'écart le plus petit des frères, qui est avec Youssouf, car ils marchaient souvent tous les deux. Ils étaient innocents. Ils étaient innocents. Bien sûr, ils n'ont pas parlé du plus petit. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment petit. Et ils savent aussi que c'est Youssouf qui était le plus aimé par Yaqub alayhi salat wa salam, plus que le dernier. Alors, ils commencent à réfléchir à vouloir se débarrasser de Youssouf. Commencent à mettre le processus. Al-Hasad, qui est venu par un waswas. Al-Shaytan alladhi yuwaswisu fi sudur innas. Min al-jinnati wa al-nas. من الجن من الشياطين من الجن ومن الشياطين من الناس. Ici le diable il vient voir les frères de Youssouf et il commence à ramener la jalousie dans le cœur de ses 10 frères, les 10 plus grands frères. Ça commence. De l'hasad, de l'waswas, ils en sont arrivés à avoir ça dans le cœur. عمل القلب. الحسد عمل القلب. C'est une action du cœur, la jalousie. Al-tawakkul, la confiance, c'est une action du cœur. Al-khawf, la peur, c'est une action du cœur. L'espérance, c'est une action du cœur. Amalul qalb. Al-hasad, amalul qalb. C'est une action du cœur, mais elle est interdite. De ça là, de cette jalousie qu'ils ont dans le cœur, ils vont en arriver بالعمل من القلب إلى العمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القلب فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. C'est pour ça que le prophète a bien appuyé sur le cœur. Hein, il y a un morceau de chair dans le corps, s'il va bien, tout le reste du corps va bien. وإذا صلحت صلح الجسد كله. S'il va mal, s'il y a la jalousie dans ce cœur-là, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. Tout le reste du corps est mauvais si ce cœur-là est mauvais. S'il y a la jalousie dans ce cœur-là, il va arriver quoi? Si tu ne t'en débarrasses pas de cette jalousie, الْعَمَلْ. Ça va finir par les actions. Ici, leur action, c'est quoi? ou bien tuer leurs petits frères, ou bien envoyés dans un autre pays, loin de leur père. Séparer un fils d'un père, bil'amal, par une action, qui est de quoi ? Tuer Youssouf. Mais ils ne savent pas qu'il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont loin d'imaginer ce qui va se passer dans les années futures. Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa law yakun kayfa yakun. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui s'est passé avec Youssouf. Il sait ce qui se passe au moment où les frères de Youssouf mentionnent cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que les frères de Youssouf vont faire et ce qui va advenir de Youssouf. Wa law yakun kayfa yakun. Et si les choses se seraient passées autrement, Allah Azza wa Jalla sait comment elles se seraient passées. Subhanahu wa ta'ala. Wal alim. C'est ça être savant. Cette sifat qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient sur le fait d'être savant. Donc il y a en Youssouf et ses frères des signes. Des signes pour qui ? Pour nous. Afin que l'on puisse tirer leçon de cette histoire de Youssouf et de ses frères. Première leçon ici, éloigne-toi de la jalousie. Et derrière chaque jalousie, il y a un diable. Prends exemple dans l'éducation de Yaqub avec son fils. Prends exemple à l'éducation de Yaqub, cette éducation qu'il a avec son fils, Youssouf. Le respect de toute la descendance. Pas descendance, mais ascendance. Tu es le fils d'un prophète qui lui-même est prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète. Ce n'est pas rien. Les rêves sont une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont pour les prophètes une révélation. Et ils sont pour nous de trois sortes. Il y a le rêve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tous les beaux rêves que l'on fait. Quelqu'un y rêve qui fait le tawaf autour de la Kaaba. Comme par exemple, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, une fois quelqu'un l'a appelé, il lui a dit, Cheikh, j'ai fait un rêve, j'aimerais avoir l'interprétation si c'est possible. Il lui a dit, na'am, vas-y. J'ai rêvé d'un homme nu, entouré d'une lumière, qui faisait tawaf autour de la Kaaba. C'est un rêve. Il lui a dit, bi'idhnillah, on espère que cet homme-là, Allah lui a pardonné tous ses péchés. La personne, elle lui a dit, c'était toi, Cheikh. Et il a pleuré. Rahimahullah ta'ala. Kadhalik Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Lorsqu'une sœur l'appelle, elle lui dit, j'ai fait un rêve, est-ce que je peux te le raconter ? Il lui a dit, tfaddal. Elle a rêvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, et qu'il avait laissé des traces sur le sol. Et elle rêve que Cheikh Al-Albani, il marche, ses pas coïncident avec les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, il pleure. Il ne peut même pas parler. Rahimahullah ta'ala. Ça, ce sont des beaux rêves. Les beaux rêves, tu les racontes à ceux que tu aimes, pas à ceux que tu n'aimes pas. Pourquoi ? Sinon, elle va avoir quoi ? Al-hasad, la jalousie. Il y a les mauvais rêves, les cauchemars. Ça, c'est tout simplement le diable qui vient durant la nuit. Les cauchemars, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, tu ne les racontes pas et tu n'as rien à craindre. Combien on trouve de gens qui ont cette faiblesse de foi ? Ils ont fait un cauchemar. Ça y est, ils sont tétanisés pendant un jour, deux jours, jusqu'à ce qu'ils oublient ce rêve-là. Tu n'as rien à craindre. C'est le diable qui, durant la nuit, c'est comme si tu avais waswas pendant que tu dormais. C'est un cauchemar. Tu ne le racontes pas et tu n'as rien à craindre. Tu changes de côté, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, hein, tu postilles trois fois du côté gauche. Ou bien tu peux même te lever, faire des ablutions et accomplir des rak'at. Chacun fait comme il peut. Et il y a les rêves qui n'ont aucune signification. Quelqu'un il a rêvé de ça toute la journée, il a parlé de ça toute la journée, ben il en rêve. Ça c'est les rêves de la nefs. Hein? Tellement tu y as pensé dans la journée, t'en as rêvé. Que tu en as rêvé. Ce sont des rêves qui n'ont pas de signification. Hein, ce sont des rêves sans signification. Et il n'y a pas la peine de la nécessité de les raconter. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala, pour la première partie. Comme vous le voyez, ça prendra du temps. Inch'Allah, on fera ça au fur et à mesure, bi'idhnillahi ta'ala, en espérant finir ce que l'on a accompli. Car beaucoup de choses que l'on commence et qu'on ne finit pas. Hein? Inch'Allah, dans les cours suivants, bi'idhnillahi ta'ala, le prochain cours, Inch'Allah, samedi après l'Asr. Inch'Allah, samedi après l'Asr. Bi'idhnillahi ta'ala, on continuera la suite de cette explication de sourate Yusuf.